Le dauphin n'est pas seulement ami de l'homme, il aime aussi la musique. La symphonie des instruments a le charme, et surtout le son de l'orgue hydraulique. Pour lui, l'homme n'est pas un étranger dont il ait peur. Il va au-devant des vaisseaux, il joue, il bondit, il rivalise même avec eux, et dépasse les navires, quoiqu'il vogue à pleine voile. Sous le règne du dieu Auguste, un dauphin, mis dans le lac Lucrin, se prit d'une étonnante affection pour l'enfant d'un pauvre. Cet enfant, qui allait habituellement de Bailly à Pouzolles pour se rendre à l'école, s'arrêtait vers midi sur la rive, l'appelait du nom de Simon et l'alléchait en lui jetant des morceaux de pain qu'il apportait comme provision pour la route. Je n'oserais rapporter ce fait s'il n'était consigné dans les écrits de Mécène, du philosophe Fabianus, du rhéteur Alfius Flavius et de beaucoup d'autres. À quelque heure du jour qu'il fut appelé, eût-il été caché au fond des eaux, le dauphin accourait. Ayant reçu sa portion de la main de l'enfant, il lui présentait son dos pour qu'il y montât, et cachait les écuyons de sa nageoire comme dans une gaine. Il le portait ainsi jusqu'à Pouzolles à son école, à travers la grande baie, et le ramenait de la même façon. Cela dura plusieurs années, jusqu'à ce qu'enfin, l'enfant étant mort de maladie, le dauphin, qui venait de temps en temps au lieu accoutumé, triste et affligé, succomba à son tour, victime, ce dont personne ne douta, des regrets qu'il éprouvait. Les oiseaux. Parlons maintenant de la seconde classe d'oiseaux qui se divise en deux genres, ceux dont on consulte le chant et ceux dont on consulte le vol. Le chant chez les premiers, la taille chez les seconds, constitue la différence. Aussi les seconds auront le pas et le pan précédera tous les autres, tant par sa beauté qu'en raison de la connaissance qu'il a et de la vanité qu'il en tire. Lorsqu'on le loue, le pan étale ses couleurs éblouissantes, surtout en face du soleil, parce qu'ainsi, elles sont plus radieuses. En même temps, il cherche, en faisant la roue, à faire jouer des ombres sur les autres nuances, qui prennent plus d'éclat par le contraste. Il réunit en un faisceau tous les yeux de ses plumes, qu'il se plaît à offrir au regard. Chaque année, le pan perd sa queue à la chute des feuilles. Une autre repousse, avec les fleurs. Pendant ce temps, il se cache, honteux et triste. Il vit 25 ans. Il commence à déployer ses couleurs vers 3 ans. Des auteurs prétendent que cet animal est non seulement vaniteux, mais aussi malveillant. De même qu'ils attribuent à l'oie de la pudeur. Je rappelle ces remarques parce qu'elles ont été faites par certains, mais elles me paraissent gratuites. Le rossignol, pendant 15 jours et 15 nuits consécutives, au moment où le feuillage des arbres s'épaissit, fait entendre sans repos son ramage. Cet oiseau n'a pas le moins de droit à notre admiration. D'abord, quelle voix dans un si petit corps, quelle haleine infatigable. Puis, c'est le seul dont le chant soit modulé suivant une science parfaite de la musique. Tantôt il le prolonge, d'une haleine soutenue, tantôt il le varie en inflexion, tantôt il le coupe de batterie, l'enchaîne en roulade, le relance et le reprenant, le voile à l'improviste. Tantôt encore, il gazouille avec lui-même. Plein, grave, aigu, précipitant les sons, les filant, et à son gré, soprano, ténor, baryton ou basse, bref, en un si petit gosier se trouve tout ce que l'art des hommes a su tirer de tant de flûtes perfectionnées. Et qu'on ne doute pas qu'il n'y ait de l'art. Chaque rossignol a plusieurs airs, et ces airs ne sont pas les mêmes pour tous. Chacun a les siens. D'autres rossignols, plus jeunes, s'exercent et reçoivent les mélodies qu'ils doivent imiter. L'élève écoute avec une grande attention et répète. Le maître et l'élève se testent chacun à tour de rôle. On reconnaît que l'élève critiqué se corrige et que le maître le reprend, pour ainsi dire. Le lait le plus clair est celui du chamel, puis celui du jument. Le plus épais est celui de l'ânesse, au point qu'on s'en sert comme présure. On pense aussi qu'il contribue à la blancheur de la peau des femmes. Le fromage le plus estimé à Rome, où l'on juge les productions réunies de tous les pays, est, parmi ceux des provinces, celui de Nîmes, de la Lozère et des villages du Gévaudan. Mais sa qualité dure peu, il ne vaut que tant qu'il est frais.